Chapitre 5e. Les timbres-postes servent toujours. Vous avez vos outils ? Oui, monsieur le magistrat. Au nom de la loi, je vous requiers d'ouvrir ce coffre-fort. Voici la clé qui se trouvait dans la poche de la victime. Il ne manque que le mot. Oh, monsieur, ça ne va pas être long. Justement, Fouinard était adossé au meuble de métal. Il voulut se déranger. Restez, monsieur, dit l'ouvrier, ça ne me gêne pas. Il se mit à examiner la serrure, puis la petite roue portant les lettres 3 qui permettait l'introduction de la clé. Il se mit à tourner, écouta les très légers déclics que peut seul surprendre l'oreille très expérimentée d'un artisan rompu à ce genre de travail. « Bon, fit-il, voici le mot. Oui. » Il introduisit la clé dans la serrure, poussa, s'efforça, s'étonna, persévéra et finalement dit « Je n'y comprends rien. J'ai bien le mot et ça ne s'ouvre pas. » Peut-être est-ce simplement que la serrure est un peu dure. Essayez encore. L'ouvrier, vexé, redoubla d'efforts. Ah, zut ! Finit-il par dire. Je jette ma langue au chien. Faut faire venir un ouvrier de fichet. Quoi ? Me renoncer ? Si vite ? Je n'y peux rien. Ça m'embête déjà assez d'être venu pour emporter ma veste. Bonjour, messieurs, un autre, il n'y a pas d'offense. Délibérément, vraiment exaspéré, l'ouvrier ramassa ses outils et s'en alla. Voilà qui est bizarre. Fit M. Charlet. Faudra-t-il requérir un ouvrier de chez Fichet ? Cela va prendre un temps. Et je désirais vivement savoir tout de suite ce que peut renfermer ce coffre. Une voix timide s'éleva. Si mon chef veut me le permettre, j'essaierai. C'était Fouinard qui avait parlé. Hein ? Fit le policier en sursautant. Vous pourriez ? J'étais un peu mécanicien. Et puis, pour ouvrir cette serrure, je ne crois pas qu'il faille avoir suivi les cours des arts et métiers. Que voulez-vous dire ? M'autorisez-vous à faire le nécessaire ? Faites, dit le juge. Fouinard s'approcha du coffre, mêla les lettres du petit cadran, puis les replaça dans un certain ordre. La clé joua immédiatement dans la serrure et la porte s'ouvrit. C'est stupéfiant, s'écria M. Charlet. Ah ça, vous savez donc tout ? Je sais que oui est le contraire de non, et que non est le mot favori, la caractéristique de l'usurier. Le truc est fort simple. M. Templier, qui devait s'y entendre, a modifié l'engrenage intérieur pour que les déclics trompassent l'ouvrier. Et quand le mécanisme disait oui, il fallait lire non. Un enfant aurait deviné ça. Un enfant ! Un enfant ! Fit rageusement M. Charlet. J'en sais des noms moins habiles qui n'auraient pas deviné. Oh, ne dites pas cela, patron ! Fit Fouinard, qui rigolait en dedans de l'embêtement de son pseudo-chef. C'est à votre école que je me suis formé. Toi, tu te fiches de moi, pensa le policier. Tu commences à m'embêter. En somme, toutes mes félicitations, monsieur, dit le juge. Procédons à un rapide inventaire. Il y eut des cris de surprise, d'admiration. Le coffre était bondé, littéralement, de titres liés avec des courroies, sans parler de sacs qui renfermaient de l'or et des pièces de 100 sous. Mais ces titres, s'écria le juge, ce ne sont peut-être que des papiers sans valeur. Non, non, répliqua M. Charlet. Cela ne se négocie pas au pied humide. Des obligations de chemin de fer PLM, Orléans, des actions de Monaco qui valent, si je ne me trompe, dans les 4 à 5 000 pièces, de la rente extérieure espagnole, du 3% français, du mexicain. Il y en a peut-être là pour des centaines de mille francs. Et cet homme gardait cela chez lui, il fallait qu'il fût fou. C'est évident. Monsieur, dit-il à Fouinard, voulez-vous refermer ce meuble pour que j'y appose les scellés ? Fouinard s'exécuta immédiatement. Le commissaire aux délégations viendrait le soir même, accompagné du juge de paix. Il fallait que tout se passât régulièrement. Deux de mes agents resteront dans cette pièce, dit M. Charlet. Le juge consulta sa montre. J'ai juste le temps d'aller prendre mon train. Voulez-vous m'envoyer quérir un auto-taxi ? Tout de suite, monsieur le juge. Rendez-vous demain à 10 heures dans mon cabinet. Et s'il vous plaît, d'amener votre secrétaire, ajouta-t-il avec un sourire à l'adresse de Fouinard. Je ne m'y oppose pas. Monsieur Charlet aida le juge à monter en voiture, respectueusement. Puis, ayant installé les agents et donné diverses instructions, de ce ton autoritaire qui caractérise les grands hommes, il sortit à son tour avec Fouinard. « Eh bien, mon petit, lui dit-il, je vous avais bien dit que cela vous intéresserait. »« Ah, vous savez, merci pour votre truc du mot. Non, pour lui, c'est très ingénieux. Vous avez des dispositions, décidément. Alors, vous avez fait de la serrurerie. « Je fais un peu de tout, vous dis-je, répondit modestement Fouinard. « Maintenant, je vous rends votre liberté. Venez donc me voir un de ces jours, en passant. Quant à cette affaire-ci, je suppose que vous ne vous en occuperez pas. C'est banal. Oui, tout à fait banal, répondit Fouinard, qui baissait les paupières pour éteindre le feu de ses yeux gris. Il ajouta du ton le plus indifférent. Alors, vous tenez l'assassin ? Ce ne sera pas long. Si ce n'est pas vraiment celui-là, il n'y aura qu'à chercher parmi les clients de cette canaille. Ça ira tout seul. Oui, ça ira tout seul, répéta Fouinard comme un écho. Et comme M. Charlet surprenait dans son accent quelque chose d'ironique, il s'irrita plus qu'il n'aurait dû le faire. Pour sa propre dignité, il s'arrêta sur le trottoir et, prenant Fouinard par le bouton de son veston, « Dites donc, mon petit, vous commencez à m'agacer un peu. Vous prenez avec moi un ton qui me déplaît. Je vous en avertis. Que vous m'ayez prêté une aide utile dans l'affaire Bâtard, ça va bien. Mais il ne faudrait pas avoir l'air de croire que vous avez affaire à un imbécile. Vous vous méprenez, cher monsieur Charlet. Je ne me permets aucune observation. Oui, mais vous faites une tête. Vous n'allez pas prétendre que je vais encore faire une gaffe. Je ne prétends rien. Aussi bien, monsieur Charlet, je vous demande la permission de monter dans mon omnibus qui arrive là-bas. Ne me croyez pas de mauvais sentiments à votre égard, et si par hasard il y avait une gaffe à l'horizon, eh bien je vous promets de vous avertir. » L'omnibus passa. D'un bond, Fouinard sauta sur le marchepied, envoyant de la main un adieu au policier qui, d'un geste rageur, appelait une voiture. « A-t-on vu ce morveux » gronda-t-il, « qui se croit le premier moutardier du pape ?» Après tout, ce n'est pas si malin ce qu'il a fait dans l'affaire de l'étrangler. Fouinard roulait dans son omnibus et descendit à la place de l'Opéra pour rentrer à pied. « Dis donc, Justine, » fit-il en parlant à sa canne, dont il éleva le bec de nickel à la hauteur de ses lèvres, « qu'est-ce que tu en penses ? Si on achetait quelques timbres-poste, ça pourrait servir. »